بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc toujours dans le deuxième chapitre, فضل التوحيد وما يكفر من الظلم. Donc le mérite du tawhid et son expiation de l'ensemble des péchés. On a terminé la lecture la dernière fois du deuxième texte que le cheikh il a cité, donc après le verset الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. Il a cité le hadith de Ubad ibn Samit radiyallahu anhu. Donc on va continuer tout de suite. Ensuite il cite un autre hadith. Il dit ولهما في حديث عبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Donc hadith d'Ibn lehuma, c'est-à-dire dans les deux sahihain, comme le hadith précédent, le hadith d'Ubada, le hadith d'Ibn, il est dans les deux sahih. Donc le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala interdit au feu celui qui dit la ilaha illallah en étant sincère, c'est-à-dire en pratiquant l'ikhlas, ce qui est voulu ici par Yabtari bidhalika wajh Allah, en recherchant le visage d'Allah. C'est-à-dire avec l'ikhlas, l'exclusivité, la sincérité. Ibn al-Muhashi عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله يدي أي وللبخاري ومسلم. Donc le hadith comme on a dit il est dans les deux sahih. في حديث طويل أخرجه في صحيحيهما بكماله وهذا ترافون منه عن عبان بكسر العين ابن مالك ابن عمرو ابن العجلان الخزرجي السالمي صحابي مشهور بدري مات في خلافة معاوية رضي الله عنه. Donc ce compagnon, il s'appelait Ibn Ibn Malik Ibn Amr Ibn Ajlan Al-Khazraji. Donc vous êtes parti des Ansar, de la tribu de Al-Khazraj. Al-Salimi, donc c'est un compagnon qui est connu et qui a parti le Badri, il a participé à la bataille de Badr et il est mort lors de la khilafa de Muawiyah radiyallahu anhum ajma'in. Donc ça c'est une parole où c'est une partie d'un hadith qui est long et que l'imam al-Bukhari et Muslim ont ramené donc de manière complète le hadith complet, mais là le shir il a cité ce qu'on appelle le shahid, c'est-à-dire la partie du hadith qui nous intéresse et qui nous sert à établir le hukm qui nous intéresse. Ensuite il dit concernant le hadith Cheikh Abdurrahman هذا وهو حقيقة معناها فإن من قالها يبتغي بها وجه الله لابد أن يعمل بما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك. Donc ceci est la réalité et le sens ou ce qui est voulu par cette parole qui est la ilaha illallah, c'est-à-dire l'ikhlas, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul et le délaissement, le désaveu du shirk. C'est le sens de yabtari biha wajh Allah. Et ça montre que cette shahada, comme on l'a dit à maintes reprises et comme il va le répéter beaucoup dans le livre, c'est que ce n'est pas une simple parole de la langue, mais qu'elle doit, celui qui est convaincu et celui qui l'a dit avec l'ikhlas, ça doit pousser aux actes. C'est une science certaine, l'ilm al-yaqin, une science certaine qui doit pousser la personne aux actes. Comme on l'avait vu, celui qui l'a dit sans connaissance ou en connaissant son sens, mais en ne pratiquant pas ce que ça implique, cette shahada-là ne lui est d'aucune utilité. فيقول فإن المقتدي لا يعمل عمله إلا باجتماع شروطه وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ. Donc ça, c'est une règle. Il faudrait le souligner ou mettre du stabil au-dessus. Il dit فَإِنَّ الْمُقْتَدِي. الْمُقْتَدِي ici, c'est le qawl. C'est-à-dire, c'est la parole de la ilaha illallah. فَإِنَّ الْمُقْتَدِي لَا يَعْمَلُ عَمَلَهُ إِلَّا بِجِتِمَاعِ شُرُوتِهِ. لَا يَعْمَلُ عَمَلَهُ, c'est-à-dire, c'est qu'elle n'a pas d'incidence sur la récompense promise. Qui est quoi? Dans ce hadith-là, le fait qu'Allah Jalla wa'ala interdise celui qui l'a dit de rentrer au feu. Ici, ce qui est voulu, il va le répéter après, par rapport au hadith précédent, le hadith d'Ubad ibn Samit, où les cinq choses qui sont citées dans le hadith d'Ubad ibn Samit, elles permettent à la personne, donc, « Men shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa anna muhammadan abduhu wa rasulu, wa anna isa abduhu wa rasulu, wa kalimatahu alqaha illa maryam wa ruhun min wal jannata haq wa nara haq, adkhalahu allahu al jannata ala makana min al amal. » Donc celui qui témoigne de ces cinq choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait entrer au paradis en fonction ou conformément à ses actes. C'est-à-dire qu'on avait dit que ça, c'est le mérite du tawhid, c'est que le muwahhid, s'il meurt muwahhid qui s'est désavoué, qui s'est écarté du shirk akbar, il ira au paradis, c'est sûr. Mais on a dit qu'il peut être châtié avant. Alors que dans le hadith de Idban, ce qui est voulu, c'est que cette personne-là, qui dit la ilaha illallah, en réalisant cette condition, qui est l'ikhlas, on verra que c'est l'ikhlas complet qui est voulu ici, yabtari bidhalika wajhallah, celui-là, Allah, il l'a interdit au feu dans le sens où il ne rentre pas du tout au feu. C'est quelqu'un qui rentre directement au paradis. Donc là, il y a quelque chose encore de il y a un qaïd, une condition qui est encore plus, comment dire, plus forte que le hadith précédent. Le hadith précédent, il rentre au paradis tout de suite. Ou plus tard, c'est en fonction de ses actes. C'est pour ça, c'est le sens de « ala makana min al-amal ». C'est-à-dire en fonction de ses actes. « Haram Allahu ala al-nar », cette personne-là, elle ne rentre pas du tout au feu. C'est la différence entre les deux hadiths. Et on voit que le deuxième, le hadith d'Idban, il est conditionné par cette lourde condition. Donc, فَإِنَّ الْمُقْتَدِي, الْمُقْتَدِي ici, c'est le qawl, la ilaha illallah. Le qawl, il va impliquer des choses. C'est ce qui est voulu par la ya'mal amala. Il ne va pas avoir d'effet, ou l'effet escompté, qui est quoi? C'est d'interdire celui qui l'a dit de rentrer au feu. Il dit, إِلَّا بِجِتِمَعِ شُرُوتِهِ. À part s'il la rassemble et il réalise toutes les conditions par lesquels a été conditionnée cette shahada, la ilaha illallah. Il dit وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِ, et que l'ensemble des annulants de cette shahada soit évité, soit délaissé. لِفَقَدْ يَتَخَلَّفُ عَنْ مُقْتَدَاهُ لِفَوَاتِ شَرْتٍ مِنْ شُرُوتِهِ أَوْ لِوُجُودِ مَانِعٍ. C'est-à-dire que El Muqtada, comme on a dit, le fait de ne pas rentrer au feu, il dit, c'est quelque chose qui ne. C'est une récompense que la personne. Ou dont peut être privée la personne parce qu'elle n'a pas réalisé une condition parmi les conditions qui conditionnent la validité de cette shahada, de la ilaha illallah. Ou par un mani', un empêchement. C'est-à-dire un empêchement de l'muqtada, de bénéficier de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a décrit dans ce hadith-là, le fait d'être interdit, totalement interdit de rentrer au feu. Il dit وَمِمَّا قُيِّدَتْ بِهِ فِي الْحَدِيثِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ غَيْرْ شَاكِنْ وَفِي الصَّحِيحِ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لا يشرك بي شيئا دخل الجنة وفي رواية ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار ولمسلم لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة وله أيضا من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. Donc là, il a cité quelques textes. Ces textes-là, ils constituent des conditions de la validité de la ilaha illallah. Et parmi les conditions qui ont été citées, il y a donc, après ce hadith-là, où Allah Jalla wa Ala dit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, yabtaghi bidhalika wajha Allah, c'est-à-dire, on a dit al-ikhlas, il y a d'autres conditions. Ces conditions-là, elles ne sortent pas de nulle part. Les gens, des fois, ils pensent que quand on parle de conditions, ils ne savent pas bien d'où elles sortent et ils doutent au sujet de ces conditions-là. Or, les conditions, elles sont tirées des textes. De la même manière que les piliers, de la même manière que les annulants, toutes ces choses-là, elles sont tirées des textes. Et c'est toujours intéressant pour faire comprendre aux gens cette chose-là, toujours intéressant de faire le parallèle avec d'autres adorations qui sont plus, bizarrement et malheureusement, qui sont plus communes pour le commun des gens, comme par exemple la salat. La salat, tout le monde, n'importe qui fait la prière, même ceux qui ne la font pas, ils savent que la prière, elle a des conditions, que la prière, elle a des piliers, que la prière, elle a des annulants. Et bien, de la même manière, l'islam, le premier pilier, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est une adoration. L'islam, c'est une adoration. De la même manière que la prière, que la zakat, que le hajj, que le siyam. Donc l'adoration, elle a des conditions, elle a des piliers et elle a des annulants. Et ces trois choses-là, on les tire du Coran et de la sunna. Et les ulama, ils ont tiré ça des textes en se basant sur des règles de usul qui elles-mêmes sont basées sur les règles, sur la compréhension de la langue arabe. Donc, personne n'est étonné quand on dit à quelqu'un que la salat, elle est conditionnée, par exemple, par le fait d'être en état de pureté, d'avoir fait le wudu correctement, ou de se diriger vers la qibla, ou d'avoir vêti un vêtement qui va recouvrir les parties intimes, ce qu'on appelle l'aura. Tout ça, c'est des conditions, n'importe qui fait la salat, même ceux qui ne la font pas, parmi qui s'attribuent à l'islam, qui ne la font pas, ils savent que pour la salat, il y a des conditions, et n'importe qui, si tu lui dis... Qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui fait la prière nu, alors qu'il a les moyens de se vêtir, qu'il a des vêtements, il va te dire sa salat, elle est invalide. Ou quelqu'un qui fait la salat, il n'a pas fait le wudu. Tu dis, qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui fait la salat et qui n'a pas fait le wudu? Il va te dire, ah non, cette salat, elle est invalide. C'est quelque chose qui est chez les gens, qui est normal, presque, qui est évident pour les gens. Or, cette condition, de, par exemple, de la pureté pour la validité de la salat, qui va conditionner la validité de la salat, cette condition, elle sort pas de nulle part. Elle a beau être commune, tout le monde la connaît, mais c'est pas pour autant qu'elle sort de nulle part. Elle est bien tirée d'un texte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Abu Huraira, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdath hatta yatawadda. Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous si il commet quelque chose, le hadith, qui annule la salat, comme par exemple le fait d'avoir un gaz ou quelque chose pendant la prière, sans qu'il refasse ses ablutions. Donc Allah, il n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous s'il a commis une telle chose, à part sans qu'il refasse ses ablutions. Donc par la langue arabe, on comprend que le fait de faire ses ablutions, d'être en état de pureté, c'est une condition pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte cette salat. La yaqbalu Allahu al-qabul. Pour qu'Allah, il accepte. Ici, le qabul, c'est le sens de siha, la validité. Donc, de ce texte-là, les ulama, ils ont tiré quoi? Que l'état de pureté, c'est une condition pour la validité de la salat. Ben, l'islam, c'est exactement pareil. Il y a exactement le même genre de texte qui vont conditionner la validité de cette shahada. Même si on avait dit précédemment que ces conditions-là, à la base, on les comprend du mot shahada, shahida, yeshhadu. Toutes ces conditions-là, en réalité, elles rentrent déjà dans le sens de ce mot-là dans la langue arabe. La science, el yaqin, el sidq, toutes ces conditions-là, on les comprend juste du mot-là. Shahida, yeshhadu, shahada. Mais là, on retrouve ces conditions-là dans d'autres ahadiths. Donc, parmi les hadiths que les ulama ont utilisés comme preuve pour montrer que ces choses-là sont des conditions, on a les hadiths suivants. La majorité sont rapportés dans le Bukhari muslim. Donc, ce qu'il a cité, Ghayr shak, en n'étant pas dans le doute, c'est-à-dire en étant certain, ce qui est voulu par là. En ne doutant pas, celui qui témoigne de la ilaha illallah, en ne doutant pas, c'est-à-dire en ne doutant pas de sa signification. C'est quelqu'un qui est convaincu que la ilaha illallah, c'est donner l'adoration à Allah et s'écarter du taghout, c'est-à-dire s'écarter de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelqu'un qui est convaincu, qui ne doute pas concernant le sens de cette shahada. Donc on voit que le yaqin, le fait de ne pas douter, c'est une condition pour la réalisation, pour que cette shahada soit valide. Dans un autre hadith d'ailleurs qui est cité dans le quatrième chapitre, le khawf min shirk, la peur du shirk, hadith de Jabir ibn Abdillah, man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-jannah. Celui qui rencontre Allah en ne lui ayant rien associé, rentre au paradis. Donc celui, man laqiya Allah, la yushriku bihi shay'an, dakhala al-jannah. Celui qui rencontre Allah en ne lui ayant rien associé, il rentre au paradis. Donc on voit que la yushriku bihi shay'an, ici, c'est une condition. Pourquoi? Pour rentrer au paradis. Et dans la suite du hadith de Jabir qu'on verra, dit وَمَنْ يَلْقَ وَمَنْ يَلْقِيَ اللَّهَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ. Et celui qui rencontre Allah en lui ayant donné un associé, il rentre au feu. Donc là, on voit bien que le délaissement du shirk, c'est une condition pour la validité de la ilaha illallah. Et on voit bien que l'ikhlas, le fait d'adorer Allah seul et de délaisser le shirk, c'est quelque chose qui rentre dans le sens de la ilaha illallah. Et que la ilaha illallah, ce n'est pas une simple parole. Si c'était une simple parole, celui qui l'a dit et qui meurt, même en ayant commis le shirk, il aurait accompli cette shahada, si c'était juste une parole. Mais on voit bien que c'est une parole qui implique, c'est une croyance qui implique des actes du cœur, qui implique des actes des membres, comme on l'a déjà dit. Et donc, le fait de délaisser le shirk, c'est une condition. Ou même, on verra après qu'on peut appeler ça aussi un pilier. Parce que ici, il y a quelque chose qui est. Bon, ça n'a pas d'importance sur le résultat, mais c'est plus en termes de langage. On a toujours l'habitude d'entendre les conditions de la ilaha illallah. Les conditions, les fameuses 7 ou 8 conditions de la ilaha illallah, qu'on a déjà entendu maintes et maintes fois. Mais le fait d'utiliser un charte, le mot condition, ce n'est pas tout à fait exact dans la réalité si on regarde le sens de un charte de la condition chez les savants du Usul, el-Usuliyoun. El-Usuliyoun, ils disent que le charte, ils disent charte, c'est quelque chose qui est extérieur à l'acte. Ça ne fait pas partie de l'acte. C'est quelque chose qui est extérieur à l'acte. C'est-à-dire, si on prend l'exemple de la salat, les ablutions ou être en état de pureté, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de l'acte de la salat. C'est quelque chose qu'on fait avant la prière. On le fait avant de rentrer dans la prière. C'est quelque chose qui est extérieur à l'acte. Ça, c'est un shart. Et ce shart-là, si elle n'est pas réalisée, alors l'acte qui est conditionné par cette condition, il n'est pas valide. Comme ils disent les usuliyoun, et shart, ma yelzamu adamuhu l'adam. Wala yelzamu wujuduhu l'wujud bin nafsihi. Yelzam min adamihi el-adam. C'est ça qui nous intéresse. Yelzam min adamihi el-adam. Wala yelzam wujuduhu wala yelzamu min wujudihi el-wujud l'innafsi. Allahu a'lam, ils disent comme ça. C'est-à-dire que le shart, c'est la condition. Le fait qu'elle ne soit pas réalisée, ça va impliquer la nullité de la chose par laquelle elle est conditionnée. Ça va annuler la chose qui est conditionnée par cette condition, si on veut. C'est un peu compliqué, mais bon. Ce qui nous intéresse, c'est que cette condition-là, si elle n'est pas réalisée, alors la ilaha illallah, c'est batil. Pareil, pour la salat. Si la purification n'est pas réalisée correctement avant la prière, cette chose-là, la prière, qui est conditionnée par les ablutions, elle tombe aussi. Ça s'appelle al-mashrout. Comme il disait l'ulama aussi, « إذا انتفى الشرط انتفى المشروط ». S'il n'y a pas la condition, la chose qui est conditionnée par cette condition, elle est nulle aussi. Elle est vaine, elle n'est pas valide. Donc ça, c'est un shart. Maintenant, « rukn ». Le pilier. Rukn, le résultat, c'est le même. Si on prend encore une fois toujours le parallèle, la prière, un pilier de la prière, on va dire par exemple, rukou'a. Le fait de s'incliner, la position de l'inclinaison. Ça, pour celui qui en est capable, c'est conditionné évidemment par la capacité. Celui qui est capable de faire un rukou'a et qu'il ne le fait pas, ce rukn-là, ce pilier-là, qu'il n'a pas réalisé, ça fait que sa salat, elle n'est pas valide. Elle est invalide aussi. Donc on voit que le résultat entre la condition et le pilier, le résultat est le même. C'est pour ça en réalité qu'on dise shart ou rukn, il n'y a pas trop de différence. Parce qu'au final, l'acte, il est vain quand même. Mais à la différence près que rukn, le pilier, il fait partie de la chose. Le rukuh, c'est un acte qui fait partie de la salat. Il est à l'intérieur de la salat, il est dans la salat. Donc ça, c'est la différence entre shart ou rukn, la condition et le pilier. Et si on regarde ces choses-là, l'ilm, l'yaqin, l'ikhlas, le sidq, tout ça, c'est plus juste de dire que ça rentre dans la shahada. Alors, plutôt que de dire que c'est des choses qui sont extérieures à la shahada, comme on peut le comprendre du mot shart, la condition. Allahu a'lam. C'est pour ça qu'il y en a qui... Bon, il y a des ulama qui disent que ça ressemble plus, ces choses-là sont plus proches du pilier que de la condition. Encore une fois, ça n'a pas une grosse importance dans la mesure où le résultat, il est le même. Qu'il manque un... Que celui qui vient pour faire la prière n'ait pas fait ses ablutions, alors qu'il pouvait, il a de l'eau, etc., il est capable. Ou que dans la prière, il a délaissé un pilier... comme le recours ou le sujoud, le résultat est le même à la fin, sa salat, elle n'est pas valide. Bon, c'était juste la petite parenthèse. Donc ici, si on reprend ce hadith-là, le hadith de Jabr. Donc il dit, « Wa fi sahih, man laqiya allaha, la yushriku bihi shay'an dakhal al jannah. » Ici, la yushriku bihi shay'an, la yushriku bihi shay'an, si on refait un petit peu de grammaire, cette phrase-là, c'est quoi son i'rab? Cette phrase-là, elle est hal. Hal, c'est-à-dire que cette phrase-là, elle décrit l'état de celui qui fait l'action, c'est-à-dire le sujet du verbe, elle décrit son état. Au moment où il fait l'action, dans quel état il est, dans quel état il a fait cette action, dans quel état, ce qu'on appelle sahibul hal. Si on se rappelle, on a fait de la grammaire. Sahibul hal, c'est celui qui fait l'acte. Le hal, il va décrire dans quel état il est quand il fait l'acte. Et l'acte, il est traduit par quoi? Par le verbe. Donc si on reprend notre hadith, من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. Donc celui qui rencontre Allah, من لقي هو. Ici le sujet, il a appris لقي, c'est هو, c'est damir mustatir, il est caché. Allah لا يشرك به شيئا. Donc لا يشرك به شيئا, ça décrit le sujet هو. Donc c'est cette personne là que lorsqu'il rencontre Allah Jalla wa Ala, il est dans cet état-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il n'a pas donné d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc cette chose-là, ça devient une condition pour que soit réalisé Jawab Shart ici, la récompense si on veut. Le fait de rentrer au paradis, donc c'est conditionné par quoi? Par le fait de rencontrer Allah dans quel état? Dans un état de ikhlas. Le fait de ne pas avoir donné d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, les ulama, ils disent quoi? Ils disent, concernant al-hal, ils disent al-halu wasfun li sahibi al-hal wa qaydun li amili. Wasfun li sahibi al-hal wa qaydun li amili. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le hal, donc ici c'est la phrase la yushriku bihi shay'an, ça décrit sahib al hal. Ici c'est le sujet. Ça décrit l'état de celui qui rencontre Allah. C'est-à-dire ça décrit le fait que c'est quelqu'un il n'a pas donné d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là ce qui est voulu encore une fois c'est le shirk akbar. On en reparlera plus tard. On verra pourquoi on ne rentre pas dans ce qaïd là, le shirk asghar. Et ils disent qaidun li amili. Al-amil ici c'est le verbe. Donc le verbe laqiya, le fait de rencontrer Allah, le fait de rencontrer, simplement rencontrer, ça suffit pas. Il faut qu'il y ait la rencontre, mais qu'il y ait cette condition, ce qu'on appelle qaid ou shart, qui est attaché à ce verbe là. Et c'est quoi? C'est la yushriku bi shay'an. Et c'est de là que les ulama, de par la compréhension de la langue arabe, que l'ulama de l'usul, l'usul il est basé sur la langue arabe, quasiment en grande partie sur la langue arabe, c'est à partir de là que de la langue arabe, de la compréhension de la langue arabe, qu'on tire de ce genre de texte que c'est des conditions de la ilaha illallah. Donc c'est pas des conditions qui sortent de nulle part. Les ulama ils ont mis comme ça de leur propre chef. Ensuite ils citent d'autres hadiths dont on peut comprendre qu'il conditionne cette shahada. Il dit wa fi riwaya ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allah 'ala an-nar sidqan min qalbihi. Donc ici on a la condition de sidq. Donc il n'y a personne qui témoigne de la ilaha illallah et que Muhammad est le messager d'Allah en étant véridique dans son cœur. En étant véridique dans son cœur. Sans qu'Allah l'interdise de rentrer au feu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne peut pas rentrer au feu. Bilkulliya. C'est exactement la même chose que dans notre hadith là, yabtari bidhalika wajhallah. Sauf que là, il s'agit de l'ikhlas. Et de sidqan min qalbi, il s'agit de la véracité et qu'il y a un lien étroit entre les deux choses, comme il va le dire après. Donc là, dans ces deux hadiths-là, on va le voir après, inshallah, on voit qu'il s'agit de l'ikhlas et de sidq, c'est-à-dire l'exclusivité et de la véracité totale, kamil. Et c'est cet ikhlas-là et cette véracité-là qui permettent à la personne d'être interdite au feu et de rentrer au paradis directement. Il va l'expliquer après en détail. Et il recite un autre hadith dans Sahih Muslim. « Wa li muslimin la yalqa Allah bihima abdun ghayra shakin fihima illa dakhala al-jannah. » Là encore, on prend de ghayr shakkin fihima. Encore une fois, là, cette petite phrase, elle est hal, c'est hal. Donc, on tire de là une condition. Il dit sans douter dans ces deux shahadas-là. Donc sans douter, c'est une condition. Ça, c'est ce qu'on appelle mantuq al-hadith. C'est ce qu'on comprend dans al-hadith. Mais al-mafhoum, c'est-à-dire si on essaye de comprendre al-hadith en inversant le sens. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Donc là, le sens al-mantuq, c'est de dire, c'est le sens apparent du hadith, celui qui rencontre Allah avec ses deux shahadas. Ou le serviteur qui rencontre Allah avec ses deux shahadas sans en douter d'aucune des deux shahadas. Il rentre au paradis. Si on prend la compréhension par l'inverse, à partir du moment où on dit que cette petite phrase, غير الشك فيهما, donc le fait de ne pas douter, c'est une condition, parce que c'est une phrase qui est hal, et que le hal, il va décrire l'état du sujet quand il est en train de faire l'acte. À partir de là, les ulama aussi, ça fait partie de la langue arabe, ils utilisent ce qu'on appelle mafhoum al-mukhalafa, c'est-à-dire la compréhension par l'inverse. Si on inverse le sens, on peut comprendre quoi ? On peut comprendre « La yalqa Allahu bihima abdun shakkan fihima » Donc celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala en doutant dans ces deux shahada ou dans l'une des deux, c'est quoi la conséquence? La yadkhulul jannah. Il ne rentre pas au paradis. Il n'a pas réalisé cette condition qui est le ghayr shak, le fait de ne pas douter, al yaqin. Comme ça vient dans le hadith suivant. Man laqita, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à un sahabi. Man laqita yashhadu an la ilaha illallah مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة مستيقنا. Là on voit que c'est clairement sahal. Clairement sahal. Naam, donc là on voit bien مستيقنا منصوب. C'est bien, il décrit dans quel état est celui qui fait l'action. Ici l'action c'est quoi? يشهد. يشهد يعني مستيقنا. Il fait la shahada, il dit la shahada, mais dans quel état? En étant convaincu de son sens, en ayant al-yaqin. Donc comme on a dit, ils disent, les ulama, ça c'est purement de la langue arabe, ils disent al-hal, ils disent wasfun li sahibi. C'est une, ça décrit l'état dans lequel est celui qui fait l'action. Donc ici c'est le sujet. Quand il fait l'action, c'est-à-dire yeshed, il témoigne dans quel état il est, mustayqinan, il a l'yaqin. Et ils disent qaidun li'amili. Qaidun, c'est-à-dire c'est une condition de l'acte qu'il fait, pour rendre valide l'acte qu'il fait. C'est-à-dire que la shahada, elle est conditionnée par quoi? Par l'yaqin, mustayqinan. Et ça, c'est purement de la langue arabe. Et ça, c'est des usul qu'on doit bien comprendre, bien maîtriser pour répondre aux shubuhat de ceux qui disent, celui qui dit « La ilaha illallah » il rentre au paradis, quels que soient les actes qu'il fait, quel que soit ce qu'il pense, quel que soit ce qu'il dit, quel que soit, il rentre au paradis, c'est « La ilaha illallah ». Al-iman, chez eux, ça se résume à « al-qawl ». La foi, c'est une parole de la langue. Et là, il va dire quelque chose d'important. Il dit « wa fihima », c'est-à-dire dans le Bukhari muslim. Donc ça, c'est un hadith de Abu Huraira, radiyallahu anhu. « Ma min abd, qala la ilaha illallah, thumma mata ala dhalika illa dakhala al-jannah. » Il n'y a pas un serviteur qui dit « la ilaha illallah » et ensuite qui meurt en étant sur cette parole-là, sans qu'il ne rentre au paradis. Sans qu'il ne rentre au paradis. Les gens de la bid'a, ils s'attachent à ce genre de hadith-là. Ils s'attachent à ce genre de hadith-là, et ils s'attachent à ce texte-là, et ils délaissent tous les autres textes qui ont rapport avec ce sujet-là en particulier. Ça, c'est typiquement, ça, c'est le... Comment dire, c'est le... C'est le point commun entre les gens de la bid'a, quel que soit le sujet dont on parle. Que ça soit comme on l'avait vu dans le wasitia, dans les noms et les attributs, que ça soit dans le sujet de l'iman, que ça soit dans d'autres sujets. Ça, c'est le point commun entre tous les gens de la bid'a. Ils s'attachent à un seul texte, un texte en général, évidemment, qui va conforter leur position, leur croyance. Donc, c'est-à-dire qu'ils croient quelque chose en premier parce que ça leur convient bien, parce que leur aql, comme on avait dit, les gens de la bid'a, ils font toujours devancer leur aql ou leur hawa, leur passion, sur le Coran et la Sunna. Donc, ils établissent d'abord une croyance et ensuite, ils vont aller dans les textes et ils vont essayer de trouver les textes qui confortent et qui appuient leurs croyances. Et ce qui ne les arrange pas, ils vont s'en écarter, ils vont les laisser, ou ils vont changer le sens, ou ils vont essayer, s'ils peuvent les rejeter, quand c'est pas même quand c'est des fois des hadiths sahih, dans le Bukhari muslim, ils vont réussir à les rejeter quand même, enfin ils vont essayer de les rejeter. S'ils n'y arrivent pas, si c'est un texte, un verset du Coran, ils ne peuvent pas le rejeter, donc ils vont changer le sens, etc. Genre de la bid'a, c'est toujours comme ça. Alors que les gens de Al-Sunna wa Jama'a, c'est des gens qui rassemblent les textes. Et ça, c'est vrai dans tous les sujets. C'est pas simplement, ça ne concerne pas uniquement la croyance, l'aqida ou l'iman ou l'tawhid. Ça concerne aussi l'furuh, l'fiqh. Si on regarde l'fuqaha, ils rassemblent tous les sujets, tous les textes, tous les hadiths, tous les versets. Ils vont aller voir s'il y a des ijma', ils vont aller voir si ils vont tout rassembler dans, concernant une même mas'ala, et ils vont prendre tous les textes en compte et ils vont mettre un hukm en se basant ou en donnant son droit à tous les textes. Évidemment, s'il y a des choses qui en abrogent d'autres, etc., ils vont en tenir compte. Mais ici, le maqsoud, ce qui est voulu, c'est que les gens de la bid'a, toujours, ils vont s'accrocher. Celui qui dit la ilaha illallah, il rentre au paradis, quoi qu'il fasse. Là, s'il rentre au paradis, il peut faire ce qu'il veut. Or, ici, le dernier hadith qui cite, « Ma min abdin qala la ilaha illallah, thumma mata ala dhalika illa dakhala al-jannah » Ça, c'est ce qu'on appelle un hadith qui est « mutlaq ». Donc, il n'y a pas un serviteur qui dise « la ilaha illallah » et qui meurt là-dessus sans qu'il rentre au paradis. Ça, c'est un hadith, on appelle ça « mutlaq ». C'est un hadith général, ou c'est un hadith, oui on peut dire général, c'est dur à traduire autrement, mais ce hadith-là qui est mutlaq, il est conditionné par tous les hadiths et tous les textes qu'on a lus avant, qu'on appelle cela un hadith muqayyad. Le hadith muqayyad est le hadith al-mutlaq, et c'est pour ça que le shir après il dit « fayuhmalu al-mutlaqu ala al-muqayyad ». C'est-à-dire, en d'autres termes, ay yuqayyadu al-mutlaqu bi qaydi al-muqayyad. C'est-à-dire qu'on va conditionner le texte qui est général, qui est mutlaq. On va le conditionner par les conditions qu'on tire des hadiths qui sont eux muqayyad. Donc, si on reprend cet exemple-là, celui qui dit la ilaha illallah, qui meurt là-dessus, il rentre au paradis, na'am. S'il remplit les conditions qui sont indiquées par les autres hadiths, il a l'ilm, la science, il a l'yaqin, la certitude, il a sidq, la sincérité, il a l'ikhlas. Il rencontre Allah en n'ayant adoré que lui, en s'étant écarté du shirk akbar. Ce hadith-là qui est mutlaq, il est conditionné par les autres hadiths qui constituent des conditions, dont on tire des conditions, et c'est comme on a dit, ces conditions-là, on les tire de la langue arabe, de la compréhension de ces hadiths-là dans la langue arabe. Donc, Cheikh Abdelrahman, il dit, c'est une parole d'Ibn Taymiyyah ici, « قال شيخ الإسلام وغيره » C'est-à-dire ici, ce qui vise la parole du Cheikh Ibn Taymiyyah, elle concerne le dernier hadith qui est mutlaq. Donc, ma min abdin qala la ilaha illallah, thumma mata ala dhalika illa dakhala al-jannah. C'est une parole du Cheikh concernant ce hadith-là ou ce genre de texte. Donc, le Cheikh dit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qalaha bi sidqin wa ikhlasin wa yaqinin. يعني كما قيدتها الأحاديث السابقة. ومات على ذلك كم سينونسي دون الحد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك ولكن بصدق وإخلاص ويقين ومات على ذلك. إذن فإن حقيقة التوحيد انجذاب القلب إلى الله جملة بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحا. فإذا مات على تلك الحال نال ذلك. Donc le shir il dit quoi concernant le hadith là, le dernier hadith qui est mutlaq, donc celui qui dit la ilaha illallah et qui meurt là-dessus, il rentre au paradis. Il dit celui qui l'a dit avec sincérité, avec exclusivité, sincérité l'ikhlas, avec certitude et l'yaqin, et qui meurt là-dessus. On voit bien que le shir il conditionne ce hadith là qui est mutlaq par les hadiths qu'on a cités avant. Il dit parce que la réalité de l'unicité, du tawhid, c'est le fait de diriger son cœur vers Allah entièrement, uniquement. En se repentant de l'ensemble des péchés. Ce qui est voulu par Tawbat al-Nasuha. Tawbat al-Nasuha, il y a des ulama qui expliquent ça, Nasuhan, c'est-à-dire c'est un serviteur qui se repent de tous les péchés. On peut avoir une Tawbah de certains péchés. Mais, donc quelqu'un qui commet certains péchés, il s'en repent, mais d'autres qu'il a commis, cela, il ne s'en repent pas, ou même encore pire, il est moussir, il continue à les faire. Il dit, celui qui meurt dans ces conditions-là, il dit, nala dhalik, il obtient ceci, quoi? Le fait de rentrer au paradis directement. C'est ça, c'est ce qui veut dire le shirla. Après, il va citer les différents degrés de tawhid et de la foi. Comme on en a déjà parlé, ici, il parle de quelqu'un qui dit cette shahada-là en réalisant ou avec une certitude, une sincérité et une exclusivité, l'ikhlas complète, complet. Ça, c'est complet, c'est quelqu'un qui a un tawhid complet. Et ce tawhid-là complet, il fait que le cœur de cette personne-là, il est rempli de l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et son cœur, il ne penche pas vers les péchés. C'est-à-dire que même s'il commet un péché, ce tawhid-là, cet amour-là qu'il a pour Allah, subhanahu wa ta'ala, il va faire qu'il va s'en repentir directement et qu'il va mourir avec un tawhid complet. Et ce tawhid-là, ce tawhid complet, il lui permet de rentrer au paradis directement et d'obtenir cette récompense-là dont le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il parle dans ce hadith-là. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله سجاف كل إخلاص كومبلي حرم الله جل وعلا وحرمه الله جل وعلا على النار الله il l'interdit au feu. Ou comme dans le hadith précédent qu'il a cité dans les conditions, ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه, en étant véridique, c'est-à-dire que ce qu'il dit par la bouche لا إله إلا الله et ce qu'il y a dans son cœur, c'est en total accord. Il dit, Allah, il l'interdit au feu. Donc ça, c'est des gens qui ont réalisé un ikhlas complet et qui ont réalisé une sincérité ou plutôt une véracité complète. Donc on va voir que ça montre que chez Al-Sunnah wal-Jama'a, l'ikhlas, al-sidq wal-yaqin, c'est pas une chose qui est fixe. Mais comme c'est des actes du cœur qui font partie de la foi, de la même manière que la foi, elle augmente et elle diminue, la certitude, elle augmente et elle diminue. La certitude de Abu Bakr, c'est pas la certitude de n'importe qui. Comme la véracité ou la sincérité des compagnons, c'est pas la sincérité des gens qui sont venus après eux. El Shiri continue en disant, donc c'est toujours la parole d'Ibn Taymiyyah, فَإِنَّهُ قَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَحَدِيثِ بِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِينُ شَعِيرَهُ وَمَا يَزِينُ خَرْدَلَهُ وَمَا يَزِينُ ذَرَّهُ. وتواترت بأن كثيرا ممن يقولها يدخل النار ثم يخرج منها، وتواترت بأنه يحرم على النار من قال، يحرم على النار من قال لا إله إلا الله، ومن شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. Et donc les hadiths ils sont mutawatir, c'est-à-dire que ils nous sont parvenus avec un grand nombre de chaînes de transmission et de rapporteurs qui font que ces hadiths là, on a la certitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il les a dit. Ça profite ou ça emmène un ilm qui est certain. Ça atteint le degré du Coran dans fi thubut. Dans le fait que le professeur Salim, il les a bien dit. Ces hadiths-là, ils nous informent quoi ? Qu'il y a des mouahidines qui vont rentrer au feu. Et c'est même la majorité des mouahidines, ils vont rentrer au feu. Donc c'est des gens qui disaient « La ilaha illallah » mais qui avaient un tawahid faible. C'est ça, et donc il dit « Wa kana fi qalbihi » et qui avait dans son cœur... qui avait le bien qu'il avait dans son cœur ne pesait que le poids d'un atome ou d'un grain d'orge ou un grain de moutarde. C'est vraiment un iman vraiment daif. Mais c'est quelqu'un qui disait la ilaha illallah et qui avait la base de l'ikhlas et la base de l'yaqin et la base de sidq. Sans ces choses-là, la personne elle est kafir. Elle rentre même pas dans ce sujet-là. Là, il dit Yahrujou min an-nar. Yahrujou, c'est-à-dire, il sort du feu pour aller où ? Au paradis. Soit par la grâce d'Allah, soit par la shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit après avoir expié ses péchés dans le feu. Et celui-là, il avait dans son cœur de bien que ce qui pèse rien du tout. Mais il avait la base de l'islam. Il dit « وَتَوَتَرَتْ بِأَنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ يَقُولُهَا يَدْخُلُ النَّارِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَهَا » Et comme on a dit, la majorité des gens qui la disent, c'est des gens qui vont rentrer au feu puis qui vont en sortir. Et il est aussi ramené, donc bittawatur, qu'il y a des gens qui sont carrément interdits au feu, qui ne rentreront pas du tout au feu, comme c'est le cas dans ce hadith-là qu'on est en train d'expliquer du maître. Yabtari bizarika wajallah l'ikhlas. Donc, d'entre les gens qui disent la ilaha illallah, et qui témoignent de la ilaha illallah, et que Muhammad est bien le messager d'Allah, il dit mais... cette shahada-là, elle est conditionnée par des conditions qui sont lourdes. C'est toutes les conditions qu'on a citées avant. Et celui qui est interdit de rentrer au feu, qui ne peut pas rentrer au feu, qu'Allah il interdit le feu de le toucher, c'est celui qui réalise ces conditions de manière complète, comme il va le dire après. Ici, il dit « qala sharih ». Ici, quand il dit « sharihu », quand ils disent « tous ceux qui sont venus », après, qui ont expliqué le livre, après le premier qui l'a expliqué, comme on avait déjà dit, c'est le Cheikh Sulayman ibn Abdillah dans Taysir al-Aziz al-Hamid, tous ceux qui sont venus après lui et qui citent sa parole, ils l'appellent al-Sharih. Donc ici, ce qui est voulu, c'est Sulayman ibn Abdillah, rahimahullah, dans Taysir al-Aziz al-Hamid. Il dit, « قال الشارح وغيره لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. » Donc il est obligatoire concernant cette shahada, donc de la ilaha illallah, de réaliser sept conditions. Il y en a qui en voient huit. Al-Muhim, il est impératif de réaliser ces sept conditions-là. Et que cette shahada ne profite qu'à celui qui les a réalisées toutes, qui les a toutes rassemblées, ces conditions-là. La première, donc c'est les fameuses sept ou huit conditions de la ilaha illallah, La première, c'est la science, l'ilm, qui contredit ou qui rejette l'ignorance. Donc la première condition de validité de la ilaha illallah, c'est la connaissance de son sens. Comme Allah Jalla wa Ala, il le dit, « Illa man shahida bil haq wa hum ya'alamun » Donc, ne profiteront, ici c'est dans le contexte de l'intercession, que celui qui a témoigné du haq. Et le mufassiroun ici, les savants du tafsir, ils disent que le haq ici c'est quoi? La ilaha illallah. Illa man shahida bil haq, ya'ani shahida bi an la ilaha illallah. Wa hum ya'alamun. En étant en connaissant son sens. Ici, c'est exactement le même istidlal qu'avant. Wahum ya'alamun, el waw, il s'appelle halia. C'est-à-dire que la phrase wahum ya'alamun, elle est hal. Si on fait l'i'rab, la phrase wahum ya'alamun, on dit hal. Fi mahalli nasb. Et cette phrase-là, la règle qu'on a citée avant, el hal huwa wasfun. Wasfun li sahibi. Qaidun li fa'ili. Donc celui qui a témoigné en connaissance de cause, en connaissant le sens de la ilaha illallah. De ces textes-là, les ulama y tirent les conditions. Ou dans le texte dans le hadith de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu dans Sahih Muslim, man shahida ou man qal la ilaha illallah wa huwa ya'lamu, c'est le même waw haliya, wa huwa ya'lamu. وهو يعلم أنه لا إله من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة من مات وهو يعلم. C'est quelqu'un qui meurt. Dans quel état il meurt? En sachant que nul autre ne mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il connaît le sens de la ilaha illallah. لا معبود بحق إلا الله. Alors celui-là, il rentre au paradis. De ces textes-là et de la compréhension de ces textes-là par la langue arabe, les ulama y tirent les conditions. Donc la première condition, la science. Et quelqu'un qui a compris ça, il comprend directement l'absurdité de ce qu'on appelle aujourd'hui « al-udhr bil-jahl », l'excuse par l'ignorance. C'est le fait d'excuser quelqu'un qui s'attribue à l'islam, qui va donner un associé à Allah subhanahu wa ta'ala, qui va commettre le shirk, le fait de l'excuser et de dire ouais mais le pauvre il ne sait pas. Donc c'est quelqu'un qui ne sait pas ce que ça veut dire la ilaha illallah, qui ne connaît pas le sens de la ilaha illallah, donc il ne réalise pas la première condition de validité de la ilaha illallah, mais on va l'excuser, on va l'appeler muslim quand même parce qu'il ne sait pas. Or on voit bien ici la contradiction totale avec ce qu'on tire des textes du Coran et de la Sunna, que l'ilm, c'est une condition de la validité de cette shahada. En même temps, on dit qu'il est jahil, et en même temps, on dit qu'il réalise cette shahada-là, puisqu'on juge de son islam. On dit qu'il est muslim jahil. Muslim jahil billa ilaha illallah. Comment c'est possible alors que l'ilm, c'est une condition, c'est la première condition. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les ulama, ils disent que quand cette condition-là, elle tombe, toutes les autres, elles tombent. Pourquoi? L'ilm ensuite est l'yaqin. L'yaqin de quoi? De ce qu'elle veut dire. Si à la base tu ne sais pas ce qu'elle veut dire, comment tu peux avoir la certitude de ça, de cette chose-là que tu ignores? Pareil pour la véracité, pour la sincérité, etc. Toutes ces conditions, elles tombent à partir du moment où tu ne sais pas ce que c'est cette shahada. Donc là, d'emblée, sans aller plus loin, on sait que le sujet de l'udhr bil jahl, il n'a pas lieu d'être, il n'existe pas. Quelqu'un qui ne sait pas ce que ça veut dire la ilaha illallah, sa shahada, elle est invalide. Sa parole de la ilaha illallah est invalide, il ne peut pas réaliser l'islam. Ensuite, el yaqin, el munafi li shak. Ici, on peut rajouter aussi el-dhan. Le fait de penser, c'est-à-dire de penser que la ilaha illallah, ça peut vouloir dire ça. Je pense que ça peut vouloir dire ça, mais ça atteint pas le yaqin, ça suffit pas. Il faut le yaqin parce que c'est ce qu'on tire des textes. Comme on l'a vu avant, mustayqinan. Comme dans le hadith précédent, même min ahad, non, c'est dans le suivant. من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا. مستيقنا c'est اليقين. اليقين c'est pas الظن. اليقين c'est pas الظن. On a différents degrés. On a اليقين, après on a الظن ou غلبة الظن. الظن et après échec. On voit que la ilaha illallah, elle est conditionnée par l'yaqin. Dhan, ça ne suffit pas. Donc, comme preuve, le texte, le hadith qu'on vient de citer. Ou le hadith précédent, Ghayr al-Shak. Ensuite, Al-Qaboul, il dit. Al-Munafil al-Rad. C'est-à-dire qu'il faut accepter ce que cette shahada-là, elle signifie par le cœur et par la langue. Et les mushrikin de Quraysh. Les mouchriquines de Quraysh, ils ont bien compris le sens de la ilaha illallah. Ils l'ont bien compris. Et ils ont la certitude que ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les appelle, c'est bien ça, c'est bien le fait d'adorer Allah jalla wa ala seul et de se désavouer de toutes les autres divinités. Lat wa al-Uzza wa Manat wa tous les autres, il faut s'en désavouer, il faut s'en écarter. Ils ont bien compris ça, ils sont certains que cette shahada, elle veut dire ça, mais ils ne l'ont pas accepté. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا بِشَعْرٍ مَجْنُونَ تَارِكُ آلِهَتَنَا آلِهَتِنَا آلِهَتَنَا بِشَعْرٍ مَجْنُونَ. Est-ce qu'on va délaisser nos divinités pour un poète fou? Lorsqu'on leur dit la ilaha illallah, ils disent, est-ce qu'on va délaisser nos... Ils ont bien compris. Là ici, on voit qu'ils ont l'ilm. Ils ont bien compris qu'il faut délaisser leur divinité. Ou quand Allah a dit, en citant leurs paroles, « أَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَبٌ » Va-t-il faire des divinités une seule divinité? Ils ont bien compris le sens de la ilaha illallah. C'est l'adoration d'une divinité unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Et le rejet de toutes les autres, « أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَعْرٍ مَجْنُونَ » Allons-nous délaisser nos divinités? Ils ont bien compris le sens de la ilaha illallah. Ils sont certains que ça veut dire ça. Parce que c'est des Arabes, ils comprennent bien la langue arabe. Mais ils ne l'ont pas accepté. Ils l'ont rejeté. Que ce soit par le cœur ou par leur langue. Donc, al-qaboul, c'est une condition. Ensuite, al-inqiyad, al-munafi li-tark. Al-inqiyad, c'est le fait de se soumettre à ce que cette shahada-là, elle implique, elle signifie. Et ça, ça va quoi? C'est le sens des actes du cœur et des actes des membres. Cette shahada-là, il faut s'y soumettre. C'est-à-dire qu'on adore Allah Jalla wa Ala par le cœur et qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala par nos membres. Encore une fois, cette shahada, ce n'est pas une simple parole, une simple connaissance. Il faut qu'elle pousse à l'acte. Il faut qu'elle pousse à l'acte. الخامس دي الإخلاص المنافي للشرك. Il faut que la personne elle soit exclusive dans son adoration. Ça ne suffit pas de dire la ilaha illallah, de vouer des adorations à Allah subhanahu wa ta'ala, si à côté on en voue d'autres à d'autres divinités. C'est pour ça qu'on a dit ici le mot condition. Il n'est pas tout à fait juste et que Rukn, il est plus juste. On voit bien que l'Ikhlas, le fait de vouer le culte exclusivement à Allah, ça rentre directement dans la ilaha illallah. C'est un Rukn. Comme le Ruku', c'est un Rukn de la Salat, c'est pas un Shart, ça fait partie de la Salat. Donc, comme preuve de l'Ikhlas, le fameux hadith dont on est en train de lire l'explication, Yabtari bidhalika. وجه الله. Dans d'autres hadiths, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam me dit à Abu Huraira, أسعاد الناس بالشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. Celui qui est le sens du hadith, celui qui va bénéficier de la shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam يوم القيامة, celui qui dit لا إله إلا الله en étant exclusif من قلبه. L'ikhlas. Donc on tire de ce hadith-là de la même manière de ce qu'on a cité avant, que l'ikhlas est une condition. السادس الصدق المنافي للكاذب la véracité. Il faut que ce qu'on dit par la bouche et qu'on ce qu'on montre d'une manière globale, بالظاهر, par l'extérieur, ça soit conforme à ce qu'on croit et à ce qu'on fait fil batin, à l'intérieur. Et ça, ça va rejeter le kadhib, ça va rejeter le nifaq. On sait que les munafiqin, ils disaient la ilaha illallah et qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils n'y croyaient pas et qu'ils n'en voulaient pas, même qu'ils détestaient l'islam, qu'ils détestaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils détestaient la législation avec laquelle il est venu. Mais ils montraient pour certaines raisons qui sont liées à la dunya, ou à la dunya d'une manière globale, ils montraient l'islam en apparence. Donc il y avait un écart entre ce qu'ils montraient et ce qu'ils cachaient. Ça, c'est la réalité d'une nifaq. Et ça, c'est une réponse à ceux qui disent qu'il suffit à la personne pour entrer au paradis de dire « La ilaha illallah ». On leur répond simplement, donc sur cette base-là, « El munafiqoun », les hypocrites, ils sont musulmans. Ils sont musulmans, ils disent « La ilaha illallah ». Donc la personne, forcément, puisqu'elle est bon, pas si bête que ça, elle va dire « Non, bon, les munafiqoun, c'est pas pareil, parce qu'ils ne croient pas dans leur cœur ce qu'ils disent par la langue. » Et là, on va lui répondre « Donc, toi-même, tu reconnais que le fait d'être sincère ou d'être véridique, c'est une condition. De la même manière, comme tu reconnais que la véracité, c'est une condition, il y a d'autres conditions qui sont prouvées par d'autres textes. Donc tu dois aussi les affirmer et tu dois aussi les pratiquer. Normalement, s'il n'est pas complètement aveugle. Et enfin, l'amour qui contredit al-bourd, qui va contredire le fait de détester. On doit aimer cette shahada, on doit aimer son sens, et on doit aimer d'une manière globale, et ça rentre dans Muhammad Rasulullah, on doit aimer la législation d'une manière globale. Les ulama, ils rentrent dans les sortes de nifaq, de grands nifaq, c'est-à-dire la grande hypocrisie, le fait évidemment de détester le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi le fait de détester quelque chose avec laquelle il est venu. Détester quelque chose avec quelque chose qui fait partie de la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça rentre dans un nifaq. Évidemment, si la personne, elle montre l'islam en apparence. Si elle dit clairement qu'elle déteste ça par la bouche, bon, c'est du kufr zahir, c'est du kufr, c'est plus du nifaq. Le nifaq, c'est le fait de cacher le kufr. Il y en a qui ont rajouté comme condition le kufr bittarut. Donc là, encore une fois, on voit bien que, comme Al-Hakami dans Ma'arij al-Qaboul, Allahu A'lam, il rajoute le kufr bittarut. Et on voit bien, encore une fois, que nous, on a l'habitude d'entendre que le kufr bittarut, c'est un pilier, c'est pas une condition. Le kufr bittarut, ça rentre directement dans la ilaha illallah. C'est le sens du nafi, de la négation. Mais on voit bien que les ulama entre shart et rukun, il n'y a pas grande différence parce que, comme on l'a dit avant, le résultat, il est toujours le même. Le résultat, il est le même, c'est que l'acte, il est invalide. Qu'on appelle ça shart ou rukun. Et pourquoi ils disent le kufr bittarut, c'est un shart? Il se base sur le hadith qu'il y a dans Sahih Muslim et il tire du hadith là que le kufr bittarut, c'est une condition. De la même manière et de la même façon qu'ils ont tiré les autres conditions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme on va le voir dans les chapitres suivants, « Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah haruma damuhu wa maluhu wa hisabuhu ala Allah. » Donc, « Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah » Le « waw » c'est le même, il s'appelle le « waw » haliya. Donc ce qui est après c'est hal wa kafara bima yu'bad min dunillah, toute cette phrase là elle est hal, elle décrit dans quel état est celui qui l'a dit. Donc celui qui l'a dit, il est dans quel état? Il mécroit en tout ce qui a adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. En disant la ilaha illallah, il est dans un état où il mécroit en tout ce qui a adoré en dehors d'Allah. Et là, à ce moment-là, il bénéficie entre guillemets de la récompense. C'est-à-dire le fait que son sang, ses biens et son honneur soient illicites, interdits. Et ce qu'il cache en lui, Ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on nous a ordonné de juger de zahir, de ce qu'on voit de la personne. Donc on voit de ce hadith-là, on tire de la même manière, avec les mêmes règles de la langue arabe, on tire que le kufr bit-tagut, c'est une condition. C'est-à-dire que la ilaha illallah, la parole, sans kufr bit-tagut, ça vaut rien du tout. Ça, il va en reparler dans le chapitre 6, quand il va parler du sens de la ilaha illallah. Le shir, dans le chapitre du sens, de l'explication de la ilaha illallah, du tawhid. Il dit « وَنَظَّمَهَا بَعَدُهُمْ ». Donc, il y en a certains qui ont fait un vers de poème avec ces conditions. Donc, les ulama, ils ont pour l'habitude de... de mettre l'ilm sous forme de vers de poème pour, parce que dans l'apprentissage par cœur, c'est plus facile à apprendre que ce qu'on appelle un nathr, al-manthur, c'est-à-dire une parole comme ça, une règle qui est dite comme ça. Normalement, on appelle ça un nathr, al-manthur, c'est plus dur à apprendre que quelque chose, un poème, parce que les poèmes, ça rime, etc. Donc toujours, il s'efforce à mettre ça en manthuma, en poème. كعلم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد محبة وانقياد والقبول لها. Donc on a compris le sens du vers, hein. Science, certitude, sincérité et ta véracité avec amour, soumission et acceptation pour cette shahada. Laha, c'est-à-dire pour la shahada. Donc il a regroupé toutes les conditions dans ce vers. Là, on voit qu'il a cité 7, il n'a pas rentré le kufr bit-tagut, le kufr bima yu'bad min dunillah. Et bon, il y a un petit khilaf entre les ulama. Ce n'est pas vraiment un khilaf en réalité, comme on l'a dit, parce que ceux qui ne rentrent pas dans les conditions, ils vont rentrer ça dans les piliers. Or, on a dit qu'entre les deux, il y a très peu de. Il n'y a pas vraiment de différence. Parce qu'encore une fois, la validité de l'acte, elle est conditionnée par les uns et les autres. Ça, après, il dit وَرُكْنَاهَا النَّفِي وَالْإِثْبَاتِ. نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها لله وحدها. Il dit, et ces deux piliers qui sont la négation et l'affirmation. Donc la négation des divinités qui sont adorées en dehors de lui. Alors ici il y a quelque chose d'assez important. Il dit نفي الإلهية. Là on pourrait comprendre que c'est le fait de rejeter qu'il y ait des divinités adorées en dehors d'Allah. En fait, ça veut dire, c'est le fait de renier que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, puisque ça, il n'y a personne qui rejette le fait qu'il y a d'autres choses qui soient adorées en dehors d'Allah, mais on ne les appelle pas divinités. On peut comprendre ça comme ça. L'autre compréhension, c'est le fait de dire que il y a d'autres divinités qui sont adorées en dehors d'Allah, puisque tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, on appelle ça divinité. Mais dire que ces fausses divinités-là ne méritent pas l'adoration. Et donc, ce qui est nié en réalité dans la shahada, c'est pas l'existence d'autres divinités, c'est leur mérite à l'adoration. Et ça, on le voit quand on regarde le sens de la ilaha illallah. Qu'est-ce qu'ils disent les ulama? Ma'ana la ilaha illallah. La ma'boudi bihaqin illallah, bihaq, bihaq. Donc ce qui est rejeté, c'est pas l'existence d'autres divinités, bien qu'elles soient fausses, c'est leur mérite à l'adoration. L'istihqaq, c'est ça qui est rejeté dans la ilaha illallah. Ces autres divinités, on peut les appeler divinités dans le sens où elles sont adorées en dehors d'Allah. Adorées bil batil, mais elles sont adorées, donc on appelle ça ilah. Mais on rejette le fait qu'elle soit adorée parmi qu'elle mérite l'adoration. L'istihqaq, et on le voit dans la ma'bouda bihaq illallah, bihaq, bihaq. Et donc le fait d'affirmer, et donc ça c'est la négation, c'est le kufr bit-tagut. Donc là on voit il rentre dans les piliers. Et le fait d'affirmer que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite l'adoration. Donc ça c'est le sens de la ilaha illallah. Il dit وأكثر من يقولها اليوم لا يعرف معناها ولا يعرف الإخلاص ولا اليقين أو يقولها تقليدا أو عادة. ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه وغالبهم من يفتن عند الموت وفي الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم، on va terminer avec ça inshallah. Il dit, et la majorité des gens qui la disent aujourd'hui. Donc le shir, il est mort il n'y a pas longtemps. Le shir, c'est un shir Abdelrahman ibn Qasim. C'était un des élèves de l'ancien mufti. Mohamed ibn Ibrahim, c'était son shir. On rappelle qu'Abdelrahman ibn Qasim, c'est lui qui a rassemblé Durar al-Sanniya. Ça nous profite. Quelle information ça nous donne? Ça nous donne l'information que c'est quelqu'un qui connaît très bien la parole de A'immat al-Da'wa al-Najdiya. Donc depuis le Cheikh Mohammed, rahimahullah, Cheikh al-Imam, ses enfants, ses petits-enfants, tous les chouyurs de cette da'wa-là, ils connaissent très très bien leurs paroles. Et il faut savoir que Durar al-Sanniya, il l'a lu maintes et maintes fois, plusieurs fois sur son Cheikh à l'époque, Mohammed ibn Ibrahim. Et Mohammed ibn Ibrahim, il a dit que tout ce qu'il y a là-dedans, c'est juste, c'est authentique. Et donc le sens de ce que je veux dire là, c'est que Abdelrahman ibn Qasim, ce qui est intéressant de lire son livre, c'est que c'est quelqu'un qui a une connaissance profonde des paroles de A'immat al-Da'wa, depuis la da'wa du Cheikh Mohammed, ses enfants, ses petits-enfants, etc. Et on rappelle que ce livre, c'est un condensé de toutes les explications qui ont été écrites avant lui de Kitab Tawhid. Donc l'explication de Sulayman ibn Abdullah, de Abdelrahman ibn Hassan, de Hamid ibn Atiq, et de ce que on va dire des fawaïd supplémentaires qu'ont pu apporter ses chouyours lors des cours qu'il a eu avec eux. Donc c'est pour ça que ce livre-là, c'est un bon résumé, parce qu'il est beaucoup plus court quand même que Fath al-Majid, que Taysir al-Azhar. On peut le lire plusieurs fois. On peut réviser un chapitre rapidement, une dizaine de minutes ou un quart d'heure, on peut réviser. Donc ça reste, c'est pour ça qu'il est plus intéressant, Allahu A'lam, de lire ce livre pour nous que d'ouvrir Fath al-Majid, c'est beaucoup plus loin. Là, kulli hal, on revient à ce qu'on était en train de lire. Donc la majorité des gens, ils ne connaissent pas cette shahada. Donc lui, il est mort il y a 40-50 ans. Donc la situation, on va dire, n'a fait que s'empirer, ne fera que s'empirer par rapport à ça. Donc la majorité des gens qui la disent, malheureusement, ne connaissent pas son sens. Et ne savent pas ce que c'est l'ikhlas. Puisqu'encore une fois, on a dit, quelqu'un qui ne connaît pas le sens de la ilaha illallah, toutes les autres conditions, elles ne peuvent pas être réalisées. Comment tu peux être certain d'une chose alors que cette chose, tu ne la connais déjà pas à la base? Pareil, l'ikhlas, tu ne sais pas ce que c'est l'ikhlas, tu ne sais pas ce que c'est le yaqin et tu ne sais pas ce que c'est être la sincérité. Et il dit que la majorité des gens, donc cette shahada, elle n'a pas pénétré leur cœur. C'est une parole de la langue et souvent ils la disent comme ils le disent par habitude et par taqlid. Donc c'est des gens qui sont nés dans des familles de gens qui disent de l'islam, etc., qui disent la ilaha illallah, même qui font certains actes de l'islam, mais qui ne connaissent pas son sens et donc qui vont la contredire forcément, soit par la parole, soit par les actes, dans ce qui est apparent déjà pour nous. Ici, simplement, il dit quelque chose, on va terminer là-dessus, Inch'Allah. Il dit « Aw taqlidan ». Il y a un khilaf entre les ulama. Est-ce que le tawhid d'une personne, on avait déjà parlé, je crois, est-ce que le tawhid d'une personne qui est muqallid, c'est-à-dire qui va pratiquer le tawhid, mais bit taqlid, est-ce qu'il est accepté ou non? Donc c'est quelqu'un, là on parle de quelqu'un qui connaît le sens de la ilaha illallah et qui a la certitude et qui la pratique. Mais simplement ce sens-là, il ne l'a pas connu par les dalil. En lisant le Coran et la Sunna, en se basant sur les dalils du Coran et de la Sunna, où celui qui lui a expliqué, il lui a pas ramené les dalils. Il lui a dit, voilà, le tawhid, c'est ça, khlas. Et lui, il y croit fermement, il le met en pratique. Le plus juste, wallahu alam, c'est que son iman, il est juste. C'est quelqu'un qui réalise le tawhid. Et ça, on le voit où? On le voit dans la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Il s'adresse aux gens qui ne font pas partie des gens du dhikr, c'est-à-dire les muqallidin. D'une manière globale, les gens ils se divisent en deux sortes. Soit ils sont muqallid, soit ils sont mujtahidin. Donc les gens qui ne savent pas, ils ont l'ordre de demander aux gens qui savent. Et on voit que dans ce hadith, dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun » Allah, il n'a pas précisé dans quoi. Il n'a pas dit « fil furu' » ou la fil usul, ou la fil asli din, fil fiqh, fil aqida. Il n'a pas précisé, c'est mutlaq, c'est général. Donc, celui qui ne sait pas, il se doit de demander aux gens du dhikr, c'est-à-dire ulama, de lui expliquer la religion. Et ceci dans tout, que ce soit dans la base, dans les usul, dans le furu', dans le fiqh, ça concerne tout. Donc, quelqu'un qui demande à un savant de lui expliquer le tawhid, ou à quelqu'un qui est capable, pas forcément un savant, puisque quelqu'un qui connaît le tawhid avec un dalil, il va lui expliquer, mais sans lui donner le dalil. Ou cette personne-là, elle ne comprend pas le dalil à la base. Mais elle y croit fermement, elle le met en pratique, elle est musulmane. Il y en a d'autres qui ont pris justement le hadith qu'il cite après, donc le hadith qui est connu dans concernant le châtiment de la tombe, où la personne, elle va dire « ha ha, la adri ». C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il connaît pas ce que c'est l'islam, et il répétait ce que les gens, ils disaient. Ça, il dit, سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُلُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ. J'ai entendu les gens dire quelque chose, et je l'ai juste répété comme ça. Par habitude, par héritage culturel, par etc. Mais ici, on voit bien que c'est quelqu'un qui dit, لَا أَدْرِي. C'est quelqu'un, il dit, je sais pas. C'est quelqu'un qui savait pas à la base ce qu'elle voulait dire, cette shahada. Alors que là, ça concerne aussi le munafiq. Le munafiq aussi, c'est quelqu'un soit qui ne sait pas, soit qui sait, mais qui ne croit pas à la base dans son cœur. Alors que là, on parle bien d'une personne qui sait ce que ça veut dire et qui a le yaqin. Il croit vraiment, il est certain que c'est le haq. Il le met en pratique. Il adore Allah seul, il se désavoue de shirk. Il réalise cette shahada. Donc, Allahu alam, le plus juste, c'est que son iman, il est juste, inshallah. Par contre, la différence, les ulama, ils disent, la grosse différence qu'il y a entre ces deux personnes, c'est quoi ? C'est que quelqu'un qui suit, même s'il croit à la vérité et qu'il la suit sans connaître les dalils, il est beaucoup plus sujet à être touché par les shubuhat que quelqu'un qui connaît le haq avec un dalil. Quelqu'un qui connaît le haq avec son dalil, son iman, il est beaucoup plus ferme. Il est beaucoup plus ancré dans son cœur que quelqu'un qui connaît le haq, mais sans dalil. Il y croit, mais sans dalil, il va être beaucoup plus sujet aux shubuhat. De la même manière qu'il a cru en cette personne-là, qui lui a expliqué le haq, de la même manière qu'il a cru en cette personne-là, au haq, mais sans dalil, il se peut très bien qu'il croit une autre personne qui vient avec le batil sans dalil aussi. Ça, c'est la grosse différence entre les deux personnes. Mais wallahu alam, mais le muqallid, son iman, il est juste aussi. على كل حال وفارت الله إن شاء الله pour aujourd'hui والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم